Sur la route, tu suis les traces du temps qui file devant toi à présent. Et tu penses au bon moment passé et jeté au vent. Mais c'est la route qui te prend. C'est passé ceux qui croisent ton chemin. Les laisser suivre leur destin. Entends-tu ces sirènes au loin? Les suivras-tu comme un marin? Je sais te garer bon chemin. Et ça donne à tous les sacrifices pour satisfaire ces madones qui glissent. Ouais, là, ouais, comme ça.